raisonnable, m'a dit la MPE. Cette offre est acceptable, vous ne trouverez pas mieux. Je vous raye de mes livres et je vous coupe les vivres. Vous avez le permis B, un scooter 125. À chaque course, vous gagnez 2,45 €. Entretien et l'essence à votre charge, pas d'avance. Très vite, je deviens le roi du remonte-fil. Casque au vent, l'air de rien. Les livraisons défilent en combine intégrale. Fais la quête du Graal. Je me suis fait des copains qui ont le même gagne-pain. Au bistrot du rond-point, on défie le destin. On boit du torboyau, on échange nos tuyaux. Mathieu, les angles ne voient plus. À force de griller le feu, son permis a fondu. Cette offre est raisonnable, disait la MPE. Il y avait Florence, mais peut plus travailler. À force de performance, son moteur a grillé. Cette offre est raisonnable, cette offre est acceptable. Il y avait mon pote John, mais il nous a quittés. Entre deux 35 tonnes, l'homme sandwich, il a fait. Je m'étais fait un copain qui avait le même gagne-pain. Et puis y a moi, dans ma cellule j'ai froid. Brrr, tu piques l'essence maintenant et dans